Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et nous allons finir l'émission sur une note ludique, pas si ludique que ça, les jeux vidéo. Ils ont beau être des jeux, quand le jeu devient une dépendance, ben ce n'est plus un jeu. Alors l'addiction aux jeux vidéo, on en parle avec Adèle Mazurek. Bonjour Adèle. Bonjour. Alors dans cette chronique, on va parler d'un jeu en particulier, parce qu'il ne faut pas mettre tous les jeux vidéo dans le même panier. Mm-hmm. Les adolescents qui sont scotchés à leur manette, ça s'avère souvent transitoire. Il s'agit plus d'une passion passagère que d'une accoutumance. Par contre, on va parler des jeux en réseau, donc qu'on appelle des jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs, qui vont être le sujet de la chronique d'aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste un jeu en réseau, en fait, ce qui le différencie d'un jeu vidéo traditionnel? Oui, alors dans les jeux en réseau, le gamer, comme on l'appelle dans ce milieu, possède un avatar qui va faire évoluer dans un monde virtuel, donc généralement un monde fantastique, de science-fiction ou de super-héros. Un avatar, c'est un personnage, ça? C'est ça, un personnage. Okay. On va lui donner certaines caractéristiques, lui donner un nom, etc. D'accord. Et la grande particularité de ces jeux, c'est qu'un grand nombre de personnes peuvent interagir simultanément dans ce monde virtuel, c'est autrement dit le réseau. Il y a donc des échanges sociaux pendant que le jeu se déroule? Oui, exactement. Donc, soit il y a plusieurs joueurs qui choisissent de jouer dans la même pièce. Donc, dans ce cas-là, ils échangent entre eux comme ça. Mm-hmm. Ou sinon, le joueur peut aussi être tout seul chez lui et interagir avec d'autres joueurs partout dans le monde. Donc, par des moyens de communication comme Skype, par exemple. Ah ben oui, c'est un fait. Et est-ce qu'on a une idée du profil du gamer, en fait, du gamer, s'il y en existe un? Alors, on ne peut pas généraliser, mais j'ai quand même trouvé une étude sur la sociologie des joueurs, donc ces habitants des mondes virtuels. Mm-hmm. Elle portait sur une sélection de différents jeux en ligne. Alors, c'est marrant parce que certains résultats m'ont surpris, notamment les étudiants du secondaire, du cégep et de l'université ne sont pas la frange la plus importante de la population. Ah, ça, c'est vraiment étonnant. Oui, ça m'a étonnée aussi. Ils représentent seulement 36% des joueurs de ces jeux. Ah bon? Et ils sont derrière les personnes actives ayant un emploi rémunéré. J'aurais pu se penser le contraire. Oui, tout à fait. Alors, toutefois, la population quand même est jeune. C'est une moyenne de 26 ans à peu près, dans cette étude-là en tout cas. Et si l'on veut caractériser d'une façon générale la population de joueurs, on irait plutôt sur des jeunes adultes à 88% des hommes, issus de classes moyennes, salariés, en majorité célibataires, habitant en ville et qui travaillent dans le domaine de l'informatique ou des technologies de l'information et de la communication. Et quels sont les risques qui sont associés à ces jeux? Ils ont l'air plutôt sympas. Oui, alors ben, comme toutes les addictions, quand c'est une passion, ça va, mais c'est quand ça tourne à l'obsession que ça peut devenir dangereux, un problème. Donc en effet, le joueur n'arrive pas à s'arrêter de jouer et il va finir par faire passer sa vie virtuelle avant sa vie réelle. Et qu'est-ce qui les rend si addictifs, ces jeux? Mais en fait, il s'agit de jeux sans fin. Le monde virtuel va continuer à évoluer même si le joueur est absent. Okay. Donc c'est vrai que si on joue à des jeux qu'on connaît là, qui sont pas en ligne, quand on arrête le jeu, on le reprend où on l'a arrêté. Ah, si on fait un sudoku en ligne, on peut le terminer puis après c'est fini. C'est ça. Et ce genre de jeu là, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. En fait, au fur et à mesure de l'implication dans le jeu, le joueur va avoir peur de laisser son avatar tout seul, en fait, en quelque sorte. Et il va avoir peur aussi qu'il y ait des choses primordiales qui se passent pendant son absence, puisqu'il y a d'autres joueurs qui vont jouer, qui sont dans le monde. Alors, je suppose qu'il y a de véritables conséquences sur la vie de tous les jours, comme n'importe quelle addiction? Oui. Donc, le joueur peut subir une certaine pression, déjà de la part du jeu, mais comme là, on parle d'un jeu en réseau, aussi de la part des autres joueurs, qui sont d'autres personnes. Ah, tout à fait. Oui. Donc, il ne joue plus tout seul. Donc, il faut qu'il reste jusqu'à la fin de la mission s'il veut satisfaire les autres joueurs. Il ne faut pas qu'il se déconnecte. Et il doit arriver à l'heure, aux heures de rendez-vous. Donc, ça nécessite qu'on soit tout le temps libre. Donc, ça peut être un véritable problème lorsqu'on a un travail, par exemple. Mmh, ben ouais. Et puis, petit à petit, donc ça, c'est dans les cas extrêmes, le joueur va se déconnecter du monde réel, oublier de manger, de dormir, de sortir. Et finalement, sa vie sociale dans la vie réelle s'amoindrit. Mmh. Donc, et comme on parle de jeux de réseau dans le monde entier, il faut prendre en compte les décalages horaires. Ben oui. Donc, si on joue avec quelqu'un qui se situe en Australie ou en Chine, il faut se connecter des fois pendant la nuit. Ouais, c'est un fait qui pose un problème. Oui. Effectivement. Est-ce qu'il existe une raison particulière pour laquelle un joueur, plutôt qu'un autre, va développer ce comportement d'addiction? Ben, Il est vrai que souvent la maladie addictive, elle peut être vue comme une seconde affection qui va se greffer en fait sur une maladie plus ancienne ou sur un mal-être. En jouant, la personne va éviter de se confronter à la réalité qui l'entoure, comme on a parlé tout à l'heure de l'avatar. En général, l'avatar, on le façonne pas vraiment à son image, on lui apporte toutes les qualités qu'on aimerait avoir dans la vraie vie. Donc on finit un peu par s'y perdre avec cet avatar-là. Et c'est vrai que ça peut être des personnes déjà à la base extrêmement introverties, des adolescents angoissés ou qui ont vécu des traumatismes à répétition durant l'enfance. Et il s'agit aussi d'un refuge pour certaines personnes qui ont subi un choc émotionnel violent, comme par exemple la perte d'un proche. Est-ce qu'on a une idée de la proportion des joueurs dépendants des jeux qui sont en ligne? Il y a beaucoup d'études là-dessus. Comme on va voir maintenant, les chiffres sont vraiment différents. Donc, je ne sais pas trop si on peut en tirer quelque chose. En tout cas, j'ai trouvé une étude qui donne... Selon les études, ça varie beaucoup. Oui. Uh-huh. Là, selon l'époque où elle a été faite, puisque les jeux évoluent vraiment rapidement. Ben oui, aussi, en plus. Puis selon les pays aussi. Donc, j'ai des données issues de pays Canada, États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande et Europe. Du Nord, et qui évalue ce qu'ils appellent la prévalence de joueurs problématiques et pathologiques entre 1 et 3% des joueurs qui ont déjà utilisé ces jeux en ligne-là. Par contre, j'ai déjà vu ça beaucoup plus impressionnant aux États-Unis en 2006. Cette étude montre que sur 2237 joueurs qui jouent à ces jeux, donc qui sont âgés environ entre 12 et 35 ans, il y aurait 40,7%, alors qu'ils se considèrent, c'est eux qui se considèrent comme ça, comme présentant un problème d'addiction à ces jeux. Fait que ça veut dire qu'il y en a peut-être plus aussi, parce qu'il y en a qui se voient. Oui, il y en a peut-être qui se considèrent comme addictifs alors que non. Ouais. Ça dépend comment on perçoit le problème. Ouais. Et une dernière étude que j'ai vue au Royaume-Uni, donc plus récente, en 2012, qui monte sur 1420 joueurs âgés de 12 à 62 ans, donc une moyenne de 23 ans. Alors là, ça sera entre 3,6% et 40% qui présentent des critères d'addiction. Donc c'est une fourchette quand même assez large, mais ça nous montre quand même que c'est un réel problème de société. Oui, c'est pas négligeable, effectivement. Ouais. Est-ce que l'on peut expliquer ce comportement addictif de façon biologique? Est-ce qu'il y a une raison biologique chez l'être humain qui ferait qu'on... Il s'agit d'une addiction. On connaît déjà beaucoup d'addictions, l'alcoolisme, l'addiction aux jeux aussi, des jeux d'argent, par exemple. Donc, c'est probable qu'on retrouve un socle biologique commun à toutes ces addictions-là. Mais c'est vrai que les résultats dans son domaine sont encore assez rares, puisque les chercheurs se retrouvent face à un comportement qui est quand même relativement récent. Et donc, si on pense à la drogue et au jeu, par exemple, ils déclenchent des sécrétions de dopamine. Donc, c'est l'hormone du plaisir qu'on va sécréter dans le cerveau. Et pour faire vraiment très simple et rapide, lorsque ce réseau dopaminergique va s'emballer, c'est là qu'il va y avoir addiction. Alors, est-ce que quand on joue à des jeux en réseau, ça stimule notre sécrétion de dopamine? Ça, c'est encore des études qui sont en cours. OK. Et pour terminer cette chronique sur un aspect plus positif, il me semble aussi qu'il existe quand même des effets positifs à l'utilisation des jeux vidéo. Est-ce que c'est le cas? Oui, déjà le plaisir, on n'est pas obligé de jouer tout en étant addictif, c'est sûr. Donc, c'est un loisir comme un autre. Mais c'est vrai que des études ont montré que les jeux, notamment ces jeux en ligne-là, permettent d'augmenter les pensées prosociales, c'est-à-dire les comportements on va aller vers les autres, on va les aider plus facilement. Ça, c'est bien, ça. Oui, ça va aussi augmenter l'empathie et les comportements d'aide lorsqu'on se trouve dans des situations comparables à ces jeux vidéo. Et de façon beaucoup plus générale, donc les jeux vidéo, même ceux qu'on joue tout seul chez soi, pourraient s'avérer être stimulants pour le cerveau. Et on voit de plus en plus des maisons de retraite s'équiper de jeux vidéo et des retraités qui jouent. Et apparemment, ça serait vraiment bon pour améliorer leurs réflexes et leur mémoire. Oui, tout à fait, effectivement. Je pense que pour les personnes âgées, ça les garde en forme mentalement, là, intellectuellement. Oui, les jeux vidéo ne sont pas non plus à bannir, mais c'est comme tout loisir, il faut en faire modération. C'est ça, la modération a bien meilleur goût, comme on dit. C'est ça. Alors, merci beaucoup, Adèle. Merci. Nous allons faire une pause musicale et après, on vous revient avec le mot de la fin.